Deuxième livre des Chroniques, chapitre 7. Et sitôt que Salomon eut achevé de faire sa prière, le feu descendit des cieux, et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit le temple. Et les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, parce que la gloire de l'Éternel avait rempli sa maison. Et tous les enfants d'Israël voyant comment le feu descendait, et comment la gloire de l'Éternel était sur la maison, se courbèrent le visage en terre sur le pavé, et se prosternèrent, et célébrèrent l'Éternel, en disant, « Oh, qu'il est bon, parce que sa gratuité demeure éternellement !» Or le roi et tout le peuple, sacrifiaient des sacrifices devant l'Éternel. Et le roi Salomon offrit un sacrifice de 20 000 bœufs, et de 20 000 brebis. Ainsi le roi et tout le peuple dédièrent la maison de Dieu. Et les sacrificateurs se tenaient à leurs emplois, et les lévites avec les instruments de musique de l'Éternel, que le roi David avait fait pour célébrer l'Éternel, en disant, que sa gratuité demeure éternellement, ayant les psaumes de David entre leurs mains. Les sacrificateurs aussi sonnaient des trompettes vis-à-vis d'eux, et tout Israël était debout. Et Salomon consacra le milieu du parvis, qui était devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes, et les graisses des sacrifices de prospérité, parce que l'autel d'airain, qu'il avait fait, ne pouvait contenir les holocaustes, et les gâteaux, et les graisses. En ce temps-là donc Salomon célébra une fête solennelle, pendant 7 jours, et avec lui, tout Israël, qui était une fort grande multitude de peuples, assemblés depuis Hamath, jusqu'au torrent d'Égypte. Et au 8e jour ils firent une assemblée solennelle, car ils célébrèrent la dédicace de l'autel pendant 7 jours, et la fête solennelle, pendant 7 autres jours. Et au 23e jour du 7e mois, il laissa aller le peuple en ses tentes, se réjouissant et ayant le cœur plein de joie, à cause du bien que l'Éternel avait fait à David, et à Salomon, et à Israël son peuple. Salomon donc acheva la maison de l'Éternel, et la maison royale, et il réussit en tout ce qu'il avait eu dessein de faire dans la maison de l'Éternel, et dans sa maison. L'Éternel s'apparut encore à Salomon de nuit, et lui dit, « J'ai exaucé ta prière, et je me suis choisi ce lieu-ci, pour une maison de sacrifice. Si je ferme les cieux, et qu'il n'y ait point de pluie, et si je commande aux sauterelles de consumer la terre, et si j'envoie la mortalité parmi mon peuple, et que mon peuple, sur lequel mon nom est réclamé, s'humilie, et fasse des prières, et recherche ma face, et se détourne de sa mauvaise voie, alors je l'exaucerai des cieux, et je pardonnerai leurs péchés, et je guérirai leur pays. Mes yeux seront désormais ouverts, et mes oreilles attentives à la prière qu'on fera dans ce lieu-ci. Car j'ai maintenant choisi et sanctifié cette maison, afin que mon nom y soit à toujours, et mes yeux et mon cœur seront toujours là. Et quant à toi, si tu marches devant moi comme a marché David ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu gardes mes statuts et mes ordonnances, alors j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David ton père, en disant, il ne te sera point retranché de successeur pour régner en Israël. Mais si vous vous détournez, et si vous abandonnez mes statuts, et mes commandements que je vous ai proposés, et que vous vous en alliez et serviez d'autres dieux, et vous prosterniez devant eux, je les arracherai de dessus ma terre, que je leur ai donnée, et je rejetterai de devant moi cette maison, que j'ai consacrée à mon nom, et je ferai qu'elle sera un sujet de raillerie parmi tous les peuples. Et quiconque passera près de cette maison, qui aura été haut élevé, sera étonné, et on dira, pourquoi l'Éternel a-t-il traité ainsi ce pays, et cette maison? Et on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel le Dieu de leur père, qui les avait retirés du pays d'Égypte, et qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, et se sont prosternés devant eux, et les ont servis, à cause de cela il a fait venir tout ce mal sur eux.